Bon, la radio libre de la nuit, dans un instant, va s'installer avec les deux débats de ce soir. On va y aller doucement au début. Hein. Mollo, mollo, mollo, mollo. Très bien, je dis qu'une fois, ça dégage. Si à deux, ça dégage pas, moi, je coupe les débats et je rentre chez moi ce coup-là. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc, vous pouvez... je remercie quand même le dénommé... Ah, tu t'en vas déjà? Non, non, mais ah bon. je quand même remercier encore le dénommé Fijo. Non, non, mais attends, toi tu rigoles, mais moi je rigole pas. Ah, mais je croyais que tu voulais le remercier, qu'il était non, non, sympa. Non, non, mais quand même, je tiens quand même le remercier pour lui dire ce qu'il a fait de très dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est de me bloquer ma serrure. Et j'ai mis une demi-heure pour pouvoir retirer toute la merde qu'il m'avait foutu dedans. Alors ça commence à bien faire, ça. Parce que demain, je vais plus prévenir, je vais les attendre, mais méchants. Là, je vais être méchant maintenant. Donc alors, celui qui continue, et même le cousin Olivier, oh, qui veut venir s'incruster chez moi, ou même ton cousin ou n'importe lequel, c'est pas la peine. Mon cousin Gérard, il est reparti à Tahiti, donc... Eh ben c'est bien. Ben, il donnera plus de nouvelles, hein, il est reparti. Eh ben c'est bien. Bah, tant mieux. Dans ce cas-là... Il y a ma petite nièce. Non, non, c'est pas arrivé. Non, chez moi, c'est pas marqué Hôtel du Salut. Non, mais elle est mignonne, hein, Gérard. Non, non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais il y a un truc qui est marqué Hôtel du Bonjour. Je crois que c'est l'Hôtel du Bonjour, non? Non, non, non. C'est pas l'Hôtel du Salut, c'est l'Hôtel du Bonjour. Donc, je préviens à tenir que pour la petite, quand même, arrêter vos conneries. Oh, t'entends? J'entends. Non, mais... Parce que ça commence à bien faire. Alors, si vous voulez qu'il y ait deux débats la semaine prochaine... Continuez. D'habitude, il y en a trois, mais là, il n'y en aura que deux la semaine prochaine si vous continuez. Non, mais je préviens d'entrer. Oh, taisez-vous. Je préviens d'entrer. Les deux derniers débats que j'ai fait. On recommence. Attention, écoutez bien Ultimatum, parce que là, franchement, je commence aussi à en avoir ras-le-bol, parce que le pauvre Gérard, il souffre. Ah, écoutez. Alors, je préviens d'une chose. Déjà, pour commencer, toutes les lettres anonymes, je voudrais savoir d'où qu'elles sortent et les écritures, parce que là, on a déjà un numéro de téléphone, donc on va s'amuser. Les lettres anonymes, oui, mais qu'on sache de qui elles viennent, s'il vous plaît. Alors, une lettre anonyme, c'est qu'on sache à qui elle a été, qui l'a adressée. N'essayez pas d'envoyer des lettres qui viennent de Suresnes, parce que c'est pas vrai, vous habitez pas Suresnes. Donc ça, pour commencer. Deuxième chose, Fijo, t'as intérêt de te planquer, toi, parce que le jour que je vais te mettre ta main dessus, tu vas passer un quart d'heure mauvais avec moi. En trois, donc si ça continue, mardi je ne viens pas pour présenter les débats, et il y aura plus de débats. Donc... Alors, François, tiens-toi sur tes gardes, parce que tu pourrais peut-être prendre ma place à partir de jeudi. Donc, avis aux amateurs pour ceux qui veulent faire des débats. Et celui qui a eu le culot de m'envoyer, de me faire retour à l'envoyeur d'une lettre que, soi-disant, Alain aurait posté, Alain, notre copain Lebeg, qui aurait posté sa lettre de Suresnes avec l'adresse de Jouet en Josas, je voudrais bien qu'il se fasse connaître, cet abruti. Bon, et moi là, je vais en profiter aussi, parce que nous, on a reçu des lettres de hibou. Non, non, mais attends, moi, je rigole plus là-dessus. Non, mais nous, on a reçu des lettres de hibou. Ouais, mais toi, ça fait rire, mais plus moi. Moi, ça me fait plus rire là-dessus. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Non, mais je sais. Parce que moi, tu peux demander, allez, dans le bureau, tu peux lui demander, j'ai mis une demi-heure pour retirer toute la merde dans ma serrure. On reçoit des lettres de hibou. Hein? Comme le Fijo qui envoie les photos de merde pour pas qu'on le reconnaisse. Hein? Non mais rigolez vous, ça vous fait rire. Mais le jour où on va vous en prendre sur votre voiture, vous allez voir si vous allez rigoler. Là vous allez moins rigoler quand vous allez. Tu vas moins rigoler. Tu fais tes fils d'art, s'il te plaît. Oh. Tu rigoleras moins quand on vous en prendra sur votre bagnole. Bon. Vous allez voir, continuez. Non mais continuez, vous allez voir. Non mais attends, fils d'art rigole. Rigole, Fildar. Voilà, exactement, c'est pas moi en tout cas, ce sera peut-être Fildar. En tout cas, moi je tenais à dire aussi, j'en profite pour faire un ultimatum, parce que les lettres de hibou, je reçois. Parce qu'au début, je recevais des lettres de corbeau. Maintenant, je reçois des lettres de... Mais attends. Non, mais au début... Mais je me marre. Moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'écrit pour me dire que... Ouais, mais bien sûr. Moi, ça me fait pas rire. Mais attends, c'est contre moi. Ouais, mais moi, ça me fait pas rire. Moi, j'ai la SPA qui m'a écrit parce que je recevais des lettres de corbeaux. Des corbeaux maltraités qui m'envoient des lettres de corbeaux. Et j'ai reçu des lettres de hibou. C'est Myriam. C'est qui, Myriam? La femme du routier, c'est-à-dire Gilles. Alors, celui qui emmerde la femme du routier... Non, mais c'est l'autre, là. Devant ton micro. C'est l'autre abruti, Plutôt, là, qu'on vient d'avoir. Plutôt. Hein, dénommé Plutôt. Hein. Eh ben, continue. Mais t'inquiète pas que là, ton numéro de téléphone, il va te balancer. Et on va jouer avec toi aussi. On va voir comment tu vas faire. Bon. Ouais, parce que je commence à avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez me foutre la paix sur les portables. Parce que j'ai reçu du courrier aussi. J'ai reçu des lettres de phoque. Des lettres de corbeau. Non, mais ça, faut que ça cesse. Non, parce que ça, m'énerve, maintenant, c'est simple. Si tu veux continuer, si tu veux qu'on continue... Dans ce cas-là, tu prends ton sérieux, tu gueules. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Ouais, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Elles sont pas, on fait des ultimatums. Tu crois que je m'amuse? Mais tu crois... je m'amuse pas. Attends, moi, je vais moi, te dire... Moi, j'en ai ras-le-bol. Je comprends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ultimatum, ça marche pas au bout d'une semaine. Ça fait Ça fait deux ans qu'on est dessus sur l'ultimatum. Et quand l'ultimatum, il va rentrer en action, ça fait deux ans. Ouais, mais il rentre en action à partir d'aujourd'hui. Bravo. Et là, la semaine prochaine, j'annonce même pas les deux tomes de débat. Parce que tu les as pas. Non, je ne sais pas. Je veux dire, c'est pas sûr que je les passe. Non, mais ça facilite le fait que tu les donnes pas du fait que tu les connais pas. Ben si, on les a pour l'instant. Mais on les donnera pas, tant que ça ne se fera pas. Hein? C'est tout. Maintenant, prenez-en vous sur vos gardes. Prenez-en sur vos gardes. Et même sur Minitel. Maintenant, tout à l'heure, j'essayais de savoir... Qui s'amuse à balancer les sites internet et les 3615 sans dit tout ça? Parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure si tout ça se passe bien. Au pouvoir, GG, au pouvoir, GG, au pouvoir, GG, président, GG, président, GG, président. Gérard Duroux. Gérard Duroux. Non?